L'album arrive, que la France garde la paix. J'ai fermé ta. Attention, qui remet ça, qui remet ça. J'ai fermé ta. Numéro 1, y'a Farbi. C'est DJ Hamida. DJ Hamida va vous faire perdre des kilos. Bouge ta tête, c'est son qui t'emmène. Bouge ta tête, c'est son qui t'emmène. DJ Hamida est venu chez lui. DJ Hamida, calma, calma. Oh les mecs, j'arrive, c'est chaud les man. DJ Hamida, calma, calma. J'suis violé. DJ Hamida, calma, calma. Oh les mecs, j'arrive, c'est chaud les man. DJ Hamida, calma, calma. Pas le mec nazi style. Oh les mecs, j'arrive, c'est chaud les man. Ok, salut. Oh les mecs, j'arrive, c'est chaud les man. Inch'Allah que t'attrapes le palus. Oh les mecs, j'arrive, c'est chaud les man. Hamida, Hamida. On les invite à danser. Number one de Tunis à Qatar. Faites place au nom de l'Atlas. Marocain de tout part pour vous en délicace. Winner, winner, winner. Dans le son, dans la pièce, c'est pour plaisir. On imagine comme d'hab, DJ Hamida. Les jaloux ont la haine jusqu'aux amitiés. DJ Hamida. Pour les mecs qui sortent de ZBR quand il fait chaud. Dans le drone volé. Ça c'est pour les mecs qui plaisantent pas. Même si la roue est voilée. Préparez vos lits avec moi. Des violets, des fourrailles. On fout ce bel dans ta vie. Pas clic, pas clic, pas clic. J'ouvre leur crâne en deux. Personnalis. Personne, personnalis. L'album arrive. Personnalis. Personne, personnalis. Dédicate à tous mes camfrés dans la foulée. Pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, enchaîner les galaxies et les bouteilles d'alcool. Décolle, décolle, tu te sens mal. DJ Hamida numéro uno. DJ Hamida est le blanchi. Qui remet ça, c'est le son qui fait mal à la capuça. On fait les bails. A Paris ou les Kazan. Danse pour moi le vai vai. Je te dis les bye bye. Soirée de chérie. Allez, ciao, ciao.